Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et nous allons complètement changer de sujet. Du gluten, nous passons maintenant au don d'organes. Alors, on sait qu'il y a des listes d'attente, que des personnes sont en attente d'un cœur, d'un rein, d'un foie. Souvent, ces organes sont prélevés sur des personnes décédées, mais pas tout le temps. Comme on a deux reins, on peut en effet prélever un rein sur une personne vivante sans vraiment compromettre la vie du donneur. Et c'est comme ça que parfois un proche donne un rein pour sauver un frère, une fille, un neveu, voire un ami très cher. C'est aussi comme ça qu'il y a des dérives comme dans des pays comme l'Inde où des pauvres gens vendent leurs reins. Mais pour ceux qui n'ont pas de proches, de donneurs proches volontaires et qui ne veulent pas non plus entrer dans ce commerce d'organes, il y a les réseaux sociaux qui ouvrent une nouvelle voie, l'appel au don d'organes sur les réseaux sociaux. Et cela soulève quelques enjeux éthiques. On en parle avec Edith Delery, qui est professeure émérite à la faculté de droit à l'Université Laval et présidente sortante de la commission de l'éthique en sciences et en technologie. Bonjour Edith. Bonjour. Alors avant de se pencher spécifiquement donc sur cette utilisation des réseaux sociaux pour appeler à un éventuel donneur d'organes, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les travaux de la commission d'éthique en sciences et en technologie qui s'est penchée plusieurs fois sur cette question des dons d'organes. Est-ce que vous pouvez nous faire un bref topo de oui, ce que la commission a fait? La commission, dans un premier temps, a diffusé un avis, c'était en 2002, si ma mémoire est bonne, là, sur le don et la transplantation d'organes, dilemmes éthiques en contexte de pénurie. Et on avait à ce moment-là exploré la possibilité, effectivement, d'ajouter aux critères qu'on utilisait habituellement de décès neurologique, là, mm-hmm. Celui de l'arrêt des fonctions circulatoires et respiratoires. Mm-hmm. C'est-à-dire une autre définition du décès. Ce sont des gens qui ne sont pas, en fait, en arrêt, décédés neurologiquement, ouais. Et qui finalement ne répondent pas à ces critères-là, mais qui, sont morts finalement, mais qui respirent encore. Mm. Donc là, on arrête les fonctions, évidemment, respiratoires et circulatoires, et puis on les déclare mortes pour pouvoir prélever tout de suite, là. Donc ouais. c'est d'autres critères qui sont entrent en ligne de considération. C'est appliqué depuis, effectivement, depuis la diffusion de l'avis. Là, il y avait mm-hmm. un projet pilote qui était effectivement à ce moment-là en cours. Et c'est effectivement des normes qui aujourd'hui sont acceptées universellement. Mm-hmm. Alors, donc, on a ajouté en quelque sorte des critères qui permettaient, en fait, de faire en sorte que on puisse avoir plus de donneurs cadavériques, mm-hmm. évidemment. Mm-hmm. Ça, c'est un premier avis qu'il y avait eu, mais il y a eu des suppléments après. Il y a eu un supplément, effectivement. Le deuxième supplément, c'était sur le don d'organes par échange. Donc là, oui. C'était les donneurs vivants, comparativement aux donneurs cadavériques dont on vient de parler, qui étaient en cause, là. Donc, on explorait plusieurs avenues. C'est la première fois, d'ailleurs, qu'on avait parlé dans cet avis-là de ce qu'on appelle le bon samaritain, c'est-à-dire le donneur qui spontanément s'offre. Bon. Mm-hmm. Et on y reviendra à propos des médias sociaux, là. Et on avait regardé quelles étaient les avenues ici encore qui pourraient être explorées. Donc, il y a plusieurs possibilités par échange, hein. Donc, on peut avoir deux pères, là, un donneur qui n'est pas compatible avec le receveur, mais qui est un membre de la famille, mm-hmm. qui va donner, en fait, un organe à quelqu'un qu'il ne connaît pas, alors que l'autre, celui pour lequel, effectivement, il n'aurait pas pu donner un organe, pourra bénéficier mm-hmm. d'un organe d'un autre individu. Mm-hmm. Donc, là, on va les pairer. Puis, ça dépend, effectivement, de la face. Si c'est simplement une incompatibilité sanguine ou immunologique. Mais dans le cas immunologique, là, c'est un peu plus complexe. On peut avoir trois paires mm-hmm. de donneurs. Là, bon, il y a la possibilité aussi de voir comment on peut allier don cadavérique et don d'organes vivants. Ouais. Faire en sorte il y a différentes combinaisons. Il y a différentes combinaisons. C'est donc toutes ces avenues-là qu'on avait explorées à l'époque, là, qui étaient pratiquées aux États-Unis, mais très peu au Canada. Maintenant, est-ce que c'est pratiqué maintenant? Je ne pourrais pas vous dire si c'est vraiment pratiqué beaucoup. Mm-hmm. Je pense que le pairage 2-2, c'est quelque chose qui se présente peut-être plus régulièrement mm-hmm. que le pairage quand il s'agit effectivement d'immunologie. Mm-hmm. Mais ce sont des avenues qui peuvent être effectivement être exploité. Pour débloquer des situations, c'est effectivement. C'est ça, ouais. Exactement, qui pose la question aussi de l'anonymat, parce que dans ces cas-là, effectivement, contrairement au don qui provient d'un parent, d'un ami, là, c'est anonyme, puis on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on doit garder l'anonymat total ou pas. Bon, mais dans une situation de don d'organes, quand quelqu'un est sur une liste et qu'il reçoit un organe, c'est anonyme? Ben, en fait, si c'est un don cadavérique, mais pour, si c'est un donneur vivant, là, la plupart du temps, ils se connaissent. C'est un membre de la famille ou quelqu'un de proche, là. Mais ça peut être effectivement quelqu'un qu'on ne connaît pas, le bon samaritain qui spontanément se... Quand c'est un échange, effectivement, c'est pas forcément avec qui ça a été échangé. Non, effectivement. Ouais, de toute façon, le principe, dans le cas de don cadavérique, ça a toujours été l'anonymat. Bon, mais dans ce cas-là, on s'est posé la question, mais on a considéré que c'était préférable de maintenir l'anonymat, sauf dans certaines circonstances exceptionnelles. Et puis, le dernier avis, si vous me posez toujours la question, c'est celui sur le don d'organes dans le contexte de l'aide médicale à mourir. Parce que là aussi, finalement, est-ce que ça pourrait influencer la décision de l'entourage de la personne en train, peut-être, dans ces derniers moments? Parce que peut-être il y aurait certaines pressions pour pouvoir récupérer les organes tant qu'ils sont encore en bon état? Est-ce que c'est ce genre c'est de... C'est pas impensable, mais en fait, bon... Est-ce que c'était ce genre d'enjeu qui était soulevé? En fait, la pression, c'était surtout sur la personne qui est dans un contexte d'aide médicale à mourir. C'est-à-dire la pression qu'on peut exercer sur elle pour dire, écoute, prends ta décision, comme vous venez de dire, parce que tu pourrais être utile à quelqu'un d'autre. Donc, ça peut venir d'une pression, effectivement, extérieure. Ça peut être aussi une pression que la personne ressent en se disant, ma vie n'a plus de sens. Ah oui. Je vais donner, effectivement... puis comme elle n'a plus de sens, je vais accélérer le processus, demander l'aide médicale à mourir, puis je vais donner mes organes. Ce qu'on avait, nous, décidé, c'est qu'il fallait que la personne ait pris sa décision par rapport à l'aide médicale à mourir avant qu'on puisse envisager le don d'organes. Il ne fallait pas que la décision de mourir soit influencée par la possibilité du don d'organes. Donc, en trouvant la question... Une fois la décision effectivement prise et la volonté de la personne bien arrêtée. D'accord. Donc revenons-en maintenant à l'arrivée des réseaux sociaux. Puis c'est assez intéressant parce que finalement on a deux technologies complètement différentes. Une technologie, donc les réseaux sociaux et des avancées éventuellement dans le domaine médical. Et la combinaison de ces deux. Il y a une convergence, la combinaison de ces deux technologies et sciences qui sont a priori parallèle, indépendante, renforce certains, exacerbe certains enjeux éthiques sur le don d'organes. Donc revenons-en à cet appel au don d'organes sur les réseaux sociaux. En fait, on a déjà vu, même sans parler du don d'organes, mais dans les questions médicales, on a déjà vu dans les médias des parents qui ont un enfant gravement malade, atteint de soins extrêmement coûteux, pas disponible ici au Québec, mais peut-être au Canada, et faire un appel à la générosité du public pour amasser l'argent nécessaire. Donc finalement, l'appel au don d'organes sur les réseaux sociaux, ce serait une sorte d'extension de cette démarche-là. Et c'est une pratique qui existe aux Pays-Bas. Et en Belgique, donc un pays voisin, le comité consultatif de bioéthique s'est penché sur cette question. Peut-être qu'ils se sont dit, ça existe à côté, si ça arrive chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc, sur les enjeux éthiques que soulève cette pratique. Et donc, ce comité consultatif de bioéthique de Belgique a émis un avis sur cette question ce printemps. Donc, selon cet avis, en fait, qu'est-ce qui se passe? En quoi consiste cette pratique? Qu'est-ce qu'on sait de cette pratique aux Pays-Bas? Mais en fait, aux Pays-Bas, effectivement, dans leur avis, en fait, les Belges se sont référés à ce qui se passe aux Pays-Bas. Écoutez, il n'y a pas d'obstacle majeur aux Pays-Bas concernant, effectivement, la sollicitation d'organes via les médias sociaux. Il paraît que ça a suivi une courbe ascendante, en fait, depuis, effectivement, que ça a été... institué à la suite d'un premier appel en 2010. Mais en fait, ce qu'on a constaté, c'est que entre janvier 2013 et juillet 2015, les sollicitations via les médias sociaux avaient attiré 30 donneurs potentiels pour 6 receveurs. Ah oui, donc là on a plus de donneurs que de receveurs. C'est ça. C'est assez. C'est ça. Sur les 30 donneurs, il y en a 19 qui ont été retenus et soumis à un screening. Donc il y a en fait déjà une évaluation psychologique, puis une évaluation évidemment selon des critères médicaux. Donc sur les 30, il y en a 19 qui ont subi ces tests psychologiques et des tests immunologiques par la suite. Ouais. Là, bon. Et seuls deux candidats ont été sélectionnés. Ah, finalement. Comme donneurs vivants. Ouais. Et sur les deux, il y en a un, c'était un don ciblé. Donc, effectivement, ça répondait à l'appel d'une personne. Bon, il répondait à tous les critères médicaux qu'il fallait qu'il rencontre pour qu'il soit donneur pour cette personne-là. Et l'autre, c'était un don non ciblé. C'est-à-dire que c'était un don bénéficier à une personne finalement. Avec qui il serait compatible un jour, à un moment donné. Et là, parle de don de rein. Là, c'est le bon samaritain. Oui, c'est don de rein. Bon, ça pourrait être aussi d'autres organes qu'on peut donner de son vivant. Il y a le foie, on peut donner une partie de son foie. Le poumon, si on peut donner un lobe. Dernièrement, en fait, vous avez vu comme moi passer des informations concernant la greffe d'utérus. C'est un organe l'utérus. C'est au stade expérimental, mais il y en a déjà plus d'une vingtaine qui ont été faits. C'est pas très concluant, je dois dire. C'est au stade expérimental. Ça soulève d'autres problèmes là. Parce que là, un utérus, c'est pas un organe comme un autre. C'est un organe reproducteur sur le plan symbolique là, il y a quelque chose là qui est vraiment différent. Qui peut, dans une certaine mesure, être assimilé au cœur aussi, parce que dans le cas du don d'organes, le cœur, c'est un organe un peu sensible. Mais là, c'est un organe qui permet de donner la vie, comme vous venez de le souligner. Voilà. C'est plus problématique, à mon sens, qu'un morceau de foie ou qu'un morceau de poumon. C'est plus invasif aussi comme opération pour la personne vivante. Écoutez, on peut vivre avec un seul rein, mais l'opération, quand on parle des hystérectomies, effectivement, parce qu'il y avait un certain nombre de donneuses qui étaient des donneurs vivants. Alors, il y a eu des dons cadavériques, mais plus de la moitié étaient des dons d'organes vivants. Ouais, c'est ça. Donc pour cette personne-là, c'est pas effectivement sans conséquence sur le plan des risques physiques. Et pour la receveuse, je dois vous dire qu'il y a pas mal de risques aussi. C'est pas très concluant pour le moment. Mais ça ouvre des perspectives un peu inquiétantes, je dirais. Oui, donc l'appel au don tel qu'il s'est produit aux Pays-Bas, d'après ce qu'on en sait dans cet avis du comité belge, ça concerne les reins, mais il y a d'autres organes qui peuvent être prélevés sur les vivants, puis donc ça peut peut-être ouvrir la porte à d'autres. C'est pour ça que ça se produit pas encore, mais c'est toujours bon pour ce genre de questions éthiques d'y réfléchir à l'avance, parce que les décisions sont tellement longues, les réflexions, les avis, les recommandations, le suivi, c'est tellement long. Ça vaut toujours le coup d'anticiper un petit peu. Exactement. Donc là, concernant cette pratique d'appel aux dons sur les réseaux sociaux, quels seraient les enjeux éthiques que ça soulève? En quoi est-ce que c'est différent des autres formes de dons quand on attend son tour sur une liste? C'est une bonne question parce que certains disent que sur le plan de l'équité, ça permet de contourner les règles d'attribution qui ont été effectivement édictées par des organismes de régulation. C'est quoi la différence finalement avec le donneur qui est un de mes cousins, une de mes sœurs, par ailleurs, écoutez, si moi j'ai pas la chance d'avoir une sœur, un ami qui est compatible avec moi, pourquoi je pourrais pas bénéficier de cette chance-là dans une certaine mesure? Donc il y a du pour et du contre là. Ce qu'il faudrait, c'est que effectivement ça ne vienne pas court-circuiter les règles d'attribution. Il faut garder les mêmes critères là par rapport. Ce que vous dites, c'est que par exemple là, quelqu'un pourra bénéficier donc d'un don de rein alors qu'il n'est pas le premier sur la liste d'attente. C'est ça. Dans ce sens-là, que ça court-circuite la liste. Ça court-circuite la liste. D'accord. Par ailleurs, ça libère aussi. Oui. Parce que il va sortir de la liste. Enfin, cette personne-là va sortir de la liste, va laisser sa place à un autre. Exact. Donc, dans une certaine mesure. Au plan de l'équité, je suis pas certaine qu'effectivement, ça soit préjudiciable. L'essentiel, c'est qu'effectivement qu'on observe tous les critères là qu'on observe habituellement là dans le cas d'un donneur apparenté. Oui, puis effectivement, quand c'est un appel entre proches, là, dans la famille, ça court-circuite aussi la, la liste. C'est la même chose, effectivement. Oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'aussi, ça pourrait entraîner des risques de commercialisation? Parce qu'on voit, bon, ce qui se passe en Inde. J'ai vu une annonce aussi, même en Iran, en Iran. C'est légalisé. Oui, en Iran, c'est légalisé, effectivement. C'est le danger. Mm-hmm. Parce qu'avec Internet, on n'a pas le contrôle. On peut dire s'il n'y a pas de paiement, mais on n'en a pas la certitude. Donc, c'est là peut-être où le bât blesse. D'un autre côté, est-ce qu'on peut penser qu'il y a nécessairement paiement? Bon, est-ce que, bon, on peut émettre un doute à partir du moment où une personne, effectivement, répond à un appel ou même s'offre carrément pour donner un organe, là? Mais je pense qu'il faut quand même être vigilant. Bon, je ne sais pas quelle sorte de balise on pourrait mettre en place pour s'assurer, effectivement, de la gratuité de l'acte. L'usage d'Internet, c'est pas une garantie non plus. Non, là, pas bon, et c'est là, effectivement, où le problème, à mon sens, est le plus sérieux. Parce qu'on en revient à une discussion qu'on avait déjà eue à propos de la procréation. Comment on appelle ça? Je ne me souviens plus. Par autrui, par, gestation, gestation autrui, par autrui, où ça doit, bon, ça doit être bénévole aussi, ou alors on juste pour rembourser les frais éventuellement médicaux, mais on n'a pas de balise pour dire qu'est-ce qu'il y a un frais médicaux. Non, effectivement, il supposé y avoir un règlement là, qui devrait être adopté, qu'on réclame depuis longtemps à grands cris. Bon, et on sait très bien que, bon, dans le cas des mères porteuses, la gratuité, c'est peut-être un leurre, et c'est là où peut-être, effectivement, le parallélisme que vous faites est inquiétant. Parce que si on accepte la compensation, même, bon, encadrée des mères porteuses, ben, jusqu'où on va aller pour les dons d'organes, c'est ouvrir la porte, hein, donc, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Alors là, il y a un danger réel. Ouais. Toujours la difficulté de définir quels sont les frais réels et comment est-ce que la personne va gonfler les frais pour se faire rétribuer. Puis on n'a pas de contrôle, effectivement. Non. Mais en fait, dans le cas des donneurs, ça peut quand même être contrôlé, là, parce qu'on avait un problème. C'est une des recommandations qu'on avait faites. Les donneurs étaient pénalisés dans une certaine mesure. Ils ne pouvaient pas avoir de congé de maladie. Ah oui? Oui, mais tout ça réglé maintenant. Ouais. Bon, donc, puis si, parfois, ils étaient obligés de se déplacer. Donc, tout ça a été pris en considération. Mais là, c'est vraiment, j'ai balisé, encadré. Ce qui est beaucoup plus difficile en cas de la gestation pour autrui. On parlait de l'anonymat aussi tout à l'heure. Est-ce que la personne, le donneur, doit rester anonyme? Est-ce que le donneur doit savoir à qui il donne son organe? Donc, est-ce que c'est encore un enjeu qui reste là quand on fait appel aux dons sur les réseaux sociaux? Ben, je pense que la question de l'anonymat, effectivement, est importante. Moi, je pense qu'on doit conserver l'anonymat. Parce qu'il faut éviter que la personne essaie de rentrer en contact ensuite avec le receveur et vice-versa. Ouais. Parce que c'est là que le risque d'exploitation peut se présenter, d'un côté comme de l'autre. Là. Ah oui. Alors, donc, moi, je pense que l'anonymat devrait être préservé dans des circonstances comme celle-là. Le risque d'exploitation, qu'est-ce que vous entendez? C'est-à-dire que je donne mon rein à une personne, mais quand c'est pas ciblé, c'est pas un problème, là. Bon, je donne mon rein, bon, à X, je ne sais pas qui est X, et puis je ne veux pas le savoir. Je pense que c'est préférable qu'on ne le sache pas. Dans le cas du don ciblé, si je réponds à l'appel d'une personne, l'anonymat devient plus difficile à garantir. Donc, parce que, bon, la personne, ça dépend effectivement de la façon dont c'est libellé. Bon, mais c'est monsieur et madame X qui font un appel à tous, là. Donc, je réponds à monsieur et madame X. Mais comment garantir donc, l'anonymat? Donc, à ce moment-là, on ne peut pas garantir l'anonymat. C'est pour ça qu'il faut distinguer le don ciblé du don pas ciblé, là. Ouais, mais en fait, qu'est-ce que vous appelez le don ciblé? C'est quand c'est vraiment une personne... Là, je réponds vraiment à l'appel de quelqu'un. Je vois une annonce sur Internet. Bon, je réponds. Je me propose comme donneur. Donc, là, je réponds à cette personne-là. Ou alors, je peux répondre à une organisation, une association. D'accord. Je pense qu'à ce moment-là, si on passe par une association et qu'on peut garantir l'anonymat, c'est la meilleure chose à faire. C'est pour ça que si, effectivement, on se met à encadrer le don d'organes via les médias sociaux, il faut vraiment qu'on ait des balises. Et puis, je pense que, bon, un organisme comme Transplant Québec, qui au Québec est chargé, effectivement, de l'organisation, à la fois du prélèvement et puis de la transplantation et de la répartition des organes, là, avec les établissements évidemment concernés, pourrait effectivement établir des balises. Mmh. Si on passe par un organe comme lui, là, à ce moment-là, mmh. Ou une association que Québec Transplant pourrait encadrer mmh. elle aussi, mmh. pour laquelle elle pourrait établir des balises. Là. Mmh. Parce que est-ce qu'à ce moment-là, le risque, est-ce que ce serait que le donneur, après, il aille voir la personne à qui il a fait le don, de dire, bah, t'as vu, je t'ai fait ça, paye-moi maintenant. Ou alors, aussi un autre cas que j'imagine, peut-être, c'est si les proches de la personne qui a besoin d'un don pourraient se sentir une pression à donner un organe aussi, une pression sociale. Bah, t'as vu, c'est ton frère, donne-lui un rein, c'est ton ami, donne-lui exactement. Un rein. Exactement. Pourraient subir une pression aussi contre leur volonté. Donc c'est on appelle des dommages collatéraux, là, dans une certaine mesure, là, effectivement. Ouais, puis là, donc, les gens perdent l'autonomie de la décision, finalement. Voilà. Ouais. Il faut vraiment s'assurer que c'est un consentement libre et éclairé. Là. Est-ce que aussi ça pourrait pas... Bon, en fait, on a vu, c'est intéressant le cas des Pays-Bas, parce qu'il y a eu 36, 39 pour deux personnes. Puis tout ça a quand même coûté des ressources. Et c'est là l'autre problème, effectivement. Regardez tout ce que ça a impliqué en termes de coûts. Ça a mobilisé des équipes. Ouais. Pour quel résultat? Ouais. Alors. Au détriment de qui? Ben voilà. Voilà, ouais. Donc, c'est le gros problème. Ils n'ont pas rejeté pour autant la possibilité qu'on puisse faire appel à Internet pour solliciter des dons d'organes en disant on pourrait passer par les médecins généralistes qui feraient un premier tri. Je pense pas qu'on soit dans un système qui permette ça, vous m'excuserez. Je crois que ça ne marche pas. Donc, je pense que si on regarde effectivement le résultat, on peut se poser la question, est-ce que ça vaut la peine? Ben oui. Et puis, peut-être une dernière remarque que j'ai aussi, dans les 3 minutes qui nous restent, est-ce que ça pourrait générer des faux espoirs pour le demandeur? Exactement. Effectivement, parce que il y a de grosses attentes. Parce qu'il est sur une liste d'attente pour un don cadavérique, ça peut prendre effectivement quelques années. Ça dépend où il est sur la liste, évidemment, où elle est sur la liste. Mm-hmm. Donc, ça suscite effectivement des attentes et il peut y avoir des déceptions amères. Ben oui, parce que là, on le disait tout à l'heure, c'était 39 et quelques pour six demandes. 6 receveurs possibles. C'est ça. Donc là, les receveurs se disent, il y a forcément quelqu'un qui va aller là-dedans, ça va bien marcher. C'est ça, 19 qui ont été passé le screening et 2 qui ont été retenus. Ouais. Donc, c'est la grosse déception. Vous voyez un peu, quand moi j'ai vu ces statistiques-là, je me suis posé de sérieuses questions. Est-ce qu'on a les moyens pour effectivement avoir quelques organes de plus, de se payer un système comme celui-là? Est-ce qu'on ne peut pas explorer d'autres avenues? Je pense encore une fois au don par échange. Oui. Bon, qui me paraissait une avenue peut-être à emprunter, moins coûteuse. Oui. Ouais, et puis les faux espoirs que ça génère chez les personnes qui sont en attente, effectivement. C'est quand même, je pense, quelque chose à considérer, là. Bien, ça se passe aux Pays-Bas. Peut-être que ça va déborder en Belgique. C'est toujours bon de se poser la question avant. C'est ça, effectivement. Ils n'ont pas exclu totalement les Belges. Ils en ont vu pour le compte, là. Je pense qu'on va y arriver aussi de ce côté-là. C'est des questions à anticiper avec tout ce que portent les médias sociaux. On a vu que ça va des fois dans tous les sens. Donc, c'est des questions à anticiper. Alors, merci beaucoup, Edith, pour ces réflexions qui nous rappellent que science et technologie doivent avoir des garde-fous. Merci beaucoup. Je rappelle que Madame Delery est professeure émérite à la faculté de droit à l'Université de Laval et présidente sortante de la commission de l'éthique en sciences et en technologie.